Mon ami, quand tu n'y arrives pas, faut laisser ta place. T'as le bras trop court pour prendre ce qui brille dans l'espace. Laisse-moi m'occuper d'elle d'une manière efficace. On attaque mais on garde les buts comme Keylor Navas. Hey, moi je la connais, elle me connaît. On se follow, mais sans s'abonner, ça commence par l'amitié. Mais y'a pas d'amitié, ce que tu veux pas Nedo, je vais lui donner. Je suis différent, de toi je suis différent. Je vais m'occuper de la réparer. La différence, la seule différence, c'est quand elle m'appellera, je réponds. La distance qui s'est créée entre vous, tu en es responsable. Y'a plus rien à tirer de votre couple, t'es pas irremplaçable. Elle veut un king comme moi. Elle mérite un king comme moi. Sur le fait que t'avais plus le temps. Maintenant je suis le nouveau titulaire, je suis pas ton remplaçant. Je fais tout ça pour qu'elle ne se sente plus jamais, jamais comme avant. T'as laissé partir celle qui change ma vie maintenant. Tu te rendais pas compte de ce que t'avais, monsieur l'irresponsable. T'as provoqué tout ça. Revenir maintenant, c'est plus envisageable. Comme un message dans le sable, effacé par les vagues, à jamais. De toi je suis différent. Je vais m'occuper de la réparer. La différence, la seule différence, c'est quand elle m'appellera, je réponds. La distance qui s'est créée entre vous, tu en es responsable. Y'a plus rien à tirer de votre couple, t'es pas irremplaçable. Elle veut un king comme moi. Elle mérite un king comme moi. Ce qu'il ne faut pas faire, je dois te remercier. Je regarde en l'air vers celui qui a décidé de me la confier. Oui, je prendrai soin d'elle comme on prend soin de sa propre vie. Et sans promesse de lendemain, d'abord aujourd'hui. J'essaierai de tout faire pour ne pas devenir comme lui. Oui. Oh. La distance qui s'est créée entre vous, tu en es responsable. Y'a plus rien à tirer de votre couple, t'es pas irremplaçable. Elle veut un king comme moi. Elle mérite un king comme moi.